Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Narcisse, ou l'amant de lui-même, est une pièce écrite par Rousseau dans ses très jeunes années. C'est une comédie en prose et en un acte qui met en scène Valère, jeune homme coquet qui, pris au piège par sa sœur et sa promise, tombe amoureux du portrait de lui-même déguisé en femme. Dans la préface à ce texte publié 20 ans plus tard, Rousseau écrit « J'ai écrit cette comédie à l'âge de 18 ans et je me suis gardé de la montrer, aussi longtemps que j'ai tenu quelque compte de la réputation d'auteur. Je me suis enfin senti le courage de la publier, mais je n'aurai jamais celui d'en rien dire. Ce n'est donc pas de ma pièce, mais de moi-même qu'il s'agit ici. » Et le lecteur de se demander, n'est-ce pas de lui-même que Rousseau est l'amant? Et après tout, pourquoi aimer quelqu'un d'autre quand on excelle à s'aimer soi-même? Oh, I should love someone else when I'm so good at loving myself. I'm home alone, I have a shower and wash my hair. I'm only in 5 minutes, cause I'm environmentally aware. I use my roommate's towel, cause I don't know where mine is. Probably next to my bedside, covered in my things. Now I'm searching for underpants that don't smell like the devil's hole. And I catch a glimpse of myself in the mirror on a wall. And I was naked as the day I was born. And I would be lying if I said it didn't turn me on. I gently lay myself down. Well, I thought was lost. I should love someone else when I'm so good at loving myself. Bonjour Bruno Bernardi. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Est-ce que vous aimez Rousseau autant qu'il s'aime? La question n'est pas tellement autant, mais de la même manière que... Ouais. Oui et non. Non, et... Mais... c'est une... Enfin, c'est une vraie question. Je ne crois pas qu'on puisse... travailler, j'ai consacré de nombreuses années à l'étude de la pensée de Rousseau et de son œuvre. Je ne crois pas qu'on puisse travailler sur un penseur, quel qu'il soit, sans avoir un minimum d'empathie et de trouver une résonance chez lui. En même temps, bien entendu, ce n'implique en aucune façon, en l'occurrence, une rousseaulatrie perdue, et les faiblesses et les limites à la fois de l'homme et mais aussi de l'œuvre et parfois de la pensée, mais tout aussi important de les reconnaître, et qu'il a essayé de faire, sans parfois y arriver, pour lui donner d'en voir toute la mesure. Mais c'est un trait distinctif de sa philosophie que d'accorder autant de place au moi, à son moi. Tous les philosophes ne parlent pas autant d'eux-mêmes. Alors, tout à fait. Alors, d'abord, la différence, c'est là qu'il faut... Tous les écrivains... Rousseau est un philosophe, Rousseau est un écrivain, Rousseau est un artiste. Et il n'est pas séparément l'un et l'autre, il est, je crois, toujours les trois en même temps. Mm-hmm. Alors, ceci dit, à partir de là, quand même, il parle de lui. Je me demande si tous ne parlent pas d'eux-mêmes. Je veux dire, quel est l'artiste chez qui il n'y a pas quelque chose du narcissisme et du prolongement, on dira, du stade du miroir. Pensez en venant ce simple fait, Rembrandt a fait une centaine d'autoportraits, 60 tableaux, 31 gravures, 6 dessins de lui-même. Peut-on parler d'un narcissisme de Rembrandt? Sans aucun doute. C'est la matière. Alors, qu'est-ce que c'est qui, chez Rousseau, est particulier? En fait, j'allais dire, indépendamment du terme de narcissisme, c'est cette place accordée à lui-même, elle est revendiquée. Elle est revendiquée tout simplement parce qu'il se met lui-même, ce texte que vous venez de citer, la préface du Narcisse le dit très tôt, donc d'un texte qui lui est de 52, ça sera le dire jusqu'à la fin de sa vie. Donc oui, il l'assume et il le met en forme, entre guillemets, en élaborant les formes littéraires ou rhétoriques qui lui conviennent. Mais il y a une deuxième chose, et qui est peut-être la plus importante, nous le verrons, c'est qu'en fait, Rousseau en fait, je dirais, une thèse et un principe. Du narcissisme ? Oui, enfin du moins, de l'amour en soi-même. On va voir. Ce qui est pas forcément la même chose, hein, on va voir. C'est, on va voir, c'est, oui, c'est une question. De l'amour de soi-même, il en fait une thèse centrale, qui le concerne lui, au premier chef, mais qui concerne tous les hommes. Tous les hommes et toute son œuvre, tous ses ouvrages, on va les parcourir ensemble, Bruno Bernardi, peut-être pas tous, mais les plus emblématiques, parce qu'en fait, cette question-là du narcissisme et de l'amour de soi se retrouve et se décline dans toute son œuvre. Pratiquement partout. Voilà. Commençons par le début, cette pièce, quasiment inconnue, Narcisse ou l'amant de lui-même. Alors, c'est une chose étrange. Alors, c'est peut-être une raison aussi de s'intéresser d'Aimé Rousseau, c'est que il y a une très grande diversité de ses œuvres, une diversité de qualité, on va le voir aussi, mais il y a des réseaux de correspondance. C'est pas de la systématicité au sens mécanique du terme, il aurait tout vu depuis le début, mais il y a une très profonde cohérence de le trajet. Alors, si on part ici, on est très loin de Rousseau, il faut dire les choses comme elles sont. Cette pièce, on ne sait pas très précisément quand elle a été écrite, sans doute autour de quelque chose comme 40 et quelques, 45, avant d'arriver à Paris, en tout cas, donc avant 44. Elle lui dit qu'il a 18 ans. Oui, mais il a dit plus tard qu'il s'est trompé, qu'il s'était trop rajeuni. Il avait peut-être 22 ou 23. Peut-être aussi qu'il l'a reprise. En tout cas, il la donne à jouer en décembre 52, deux représentations, un four. Bien. Assumé. Et d'ailleurs, ça c'est typiquement Rousseau, deux représentations, un four, immédiatement il l'a fait publier. Et c'est là qu'il publie le texte. Et bon. Alors, cette pièce est une pièce de jeunesse, à une époque où Rousseau n'est pas Rousseau, soyons clairs. C'est une œuvre. Il lui arrive de dire du mal de ses œuvres de jeunesse, ou pas de jeunesse d'ailleurs, par coquetterie, alors qu'il en pense du bien. Je pense que il connaît parfaitement les faiblesses de cette pièce, disons-le sérieusement. En tant qu'œuvre dramatique, d'abord c'est une petite chose, c'est un impromptu, qui n'était pas du tout fait pour être joué isolément, mais en première partie. En fait, avant, une pièce sérieuse derrière, et ensuite c'est une pièce qui n'est pas extraordinaire. Surtout sa fin est un petit peu décevante, un peu convenue. Disons que du point de vue de la forme, c'est du marivaudage. Exactement. Et du point de vue de la morale, c'est du Molière encore. C'est-à-dire, à la fin, c'est le bon sens qui triomphe. Bon, là, en parler comme ça, c'est même assez flatteur, hein, de marivaux sur la forme et Molière sur le fond. Mais d'ailleurs, il y a des moments de légèreté dans les dialogues. À légèreté, ça, c'est sûr. Il y a des moments qui sont très utiles pour l'émission du jour, où on parle vraiment du narcissisme. C'est vrai que c'est pas d'une innovation folle, d'une originalité incroyable. Elle se lit très vite. Oui, c'est 50 pages. Et en fait, ce qui est très réussi, c'est que les personnages sont tellement caricaturaux que ça devient comme une espèce de tableau de mœurs qui fonctionne très bien. Parce que je l'ai dit, l'intrigue tient sur un ticket de métro. Valère qui tombe amoureux de son propre portrait déguisé en femme. C'était l'intention de sa sœur et de sa compagne Angélique que de vouloir lui montrer à quel point il était trop coquet pour être un homme. Pour se moquer de lui, elle déguise son portrait en femme, sauf que lui, plutôt que de voir la moquerie, tombe amoureux de lui-même en femme. Et ce qui est bien d'époque, de le guérir par le ridicule. Ça, c'est vraiment une pièce du XVIIIe siècle pour ça. C'est le ridicule qui tue pas toujours, mais qui peut guérir des maladies. Et on trouve dès la première scène, entre Lucinde, donc la sœur de Valère, et Marton, sa suivante, une réflexion sur le genre. Et là, on est directement dans le mythe de Narcisse, puisqu'on l'a vu hier. Une des façons de raconter le mythe de Narcisse, c'est de dire que celui-ci est amoureux non pas de son reflet, mais de sa sœur jumelle qui serait morte et dont il voit le reflet en se regardant dans l'eau, et c'est celle-ci qu'il voudrait rejoindre. Il y a toute une réflexion sur le genre. Eh bien, Marton, dès la première page de la pièce, dit voilà où est le mal que cet homme soit trop féminin, puisque les femmes aujourd'hui cherchent à se rapprocher des hommes, n'est-il pas convenable que ceux-ci fassent la moitié du chemin et qu'ils tâchent de gagner en agrément autant qu'elles en solidité. Grâce à la mode, tout s'en mettra plus aisément de niveau. Oui, alors ça peut s'entendre, il y a deux niveaux, ça peut s'entendre au fond, et je crois que ça doit s'entendre de deux manières. Disons-le, un propos un peu réactionnaire de Rousseau sur cette question du genre qui traverse toute l'œuvre, qui d'une certaine façon, je dirais, est parfois chez lui, comme il le fait toujours, assumé jusqu'à la provocation, et parce que, contre l'air du temps. Et aujourd'hui encore, c'est souvent comme ça qu'il est compris, le discours sur la femme, notamment à propos de l'Émile, la dernière partie de l'Émile, etc. Et c'est le problème, c'est que on l'entend bien dans ce que vous venez de dire. Il y a un double fond. Alors, je dirais qui est plus ou moins présent, plus ou moins conscient sur les moments, mais qui est constant, qui est une réflexion sur profondément l'ambiguïté sexuelle. Et Rousseau la porte, y compris sur lui-même, parce que l'attention mise à la question du vêtement, etc., il en parle dans les confessions à propos de lui-même, le fameux habit d'Arménien, de la façon dont il se met des robes, etc. On a cette ambiguïté-là qui traverse. Alors, avec de fait, alors dans la pièce, c'est très net, cette mise à nu de ce dont il est question dans le narcissisme, entre autres, à savoir le désir d'hermaphrodisme. Ça, c'est clair. Alors, on disait que la pièce n'est pas très originale, et en même temps, elle a deux traits qui sont très articulés entre eux, qui, eux, le sont, et qui sont d'importance. Alors, le premier, c'est tout simplement le passage du reflet, dans le mythe de Narcisse, il se voit, fugitif, le reflet qui est dépendant et qui n'est pas séparé de l'être qui est reflété. Au tableau. Le passage au tableau, à la représentation, au portrait, le portrait de Valère, il existe, je dirais, justement, il a été fait à son insu, il existe indépendamment de Valère. Il va donc se confronter à quelque chose qui n'est pas simplement un effet de lui, mais quelque chose qui existe en face de lui. Et du coup, et c'est la deuxième chose, c'est que ce que cela permet, en le guillemets travestissant, c'est le terme exact, hein, on le traversit avec juste quelques coiffures, maquillage, habits. Voilà. Et il devient une femme. Son portrait devient celui d'une femme. Alors ici, c'est notre aspect, c'est que ce qui était, je dirais, dans le mythe de Narcisse, ambiguïté ou ambivalence, est ici dédoublement pur et simple, puisqu'il se retrouve, une fois comme homme, entre guillemets, assigné à sa place, en train de regarder son portrait, comme femme. Voilà. Et donc là du coup, ce deuxième aspect est très intéressant, parce que ça fait franchir un pas, entre guillemets, à la forme, à la figure du mythe. Oui, et en même temps, c'est quand même de lui-même qu'il est amoureux. Quand il contemple le portrait, il dit que de grâce, quel trait, que cela est enchanté, que cela est divin. Ah, qu'Angélique ne se flatte pas de soutenir la comparaison avec tant de charme, c'est de son visage qu'il parle. Oui. Donc il y a un dédoublement qui n'est pas celui du reflet dans le miroir, mais d'un tableau extérieur à lui, mais le tableau, c'est le sien. Alors, pour le coup, on reviendra peut-être sur ce texte, mais Rousseau, en 78, au moment de quelques semaines avant sa mort, évoque sa personne lui-même quand il a rencontré Madame de Varin. On se trouvait à ce moment-là, il avait même pas 17 ans, 17 ans, et il se présente comme un joli jeune homme. Il y a un portrait de lui-même, je dirais, où il s'aime bien, et il se plaît, et il peut dire, plus de 60 ans après, il peut dire, j'avais une bien jolie figure. Alors, le narcissisme dans la pièce est le sujet d'une bonne intrigue, mais lorsque Rousseau lui-même parle de la pièce, de cette pièce, on voit que le narcissisme n'est pas simplement théorisé, et même soutenu, qu'il est déjà présent dans ce texte qui semble introduire à la pièce et qui en fait révèle quelque chose de la philosophie de Rousseau qui est entièrement construite autour, peut-être pas du narcissisme, mais en tout cas du moi. Écoutez. Il faut, malgré ma répugnance, que je parle de moi. Il faut que je convienne des torts que l'on m'attribue ou que je m'en justifie. Les armes ne seront pas égales, je le sens bien, car on l'attaquera avec des plaisanteries et je ne me défendrai qu'avec des raisons. Mais pourvu que je convainque mes adversaires, je me soucie très peu de les persuader. En travaillant à mériter ma propre estime, j'ai appris à me passer de celle des autres, qui, pour la plupart, se passe bien de la mienne. Mais s'il m'importe guère qu'on pense bien ou mal de moi, il m'importe que personne n'ait droit d'en mal penser. Et il importe à la vérité que j'ai soutenue que son défenseur ne soit point accusé justement de ne lui avoir prêté son secours que par caprice ou par vanité. Sans l'aimer et sans la connaître. Rousseau, Jacques Loussier et Ophélia Kolb sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de narcissisme cette semaine, aujourd'hui du Narcisse chez Rousseau, en compagnie du philosophe Bruno Bernardi, grand connaisseur de l'œuvre de Rousseau. Il le dit dès la préface, il faut malgré ma répugnance que je parle de moi. Et en fait, presque toutes les préfaces au texte de Rousseau commencent avec cette phrase-là. De cette manière-là, oui, oui. Alors, disons tout de suite d'ailleurs que cette préface, qui est beaucoup plus longue en fait en texte que la pièce elle-même, qui est à juste titre beaucoup plus connue et utilisée par les rousseauistes que la pièce, est très intéressante. Alors, de quoi il s'agit ? C'est important. On évoquait tout à l'heure les circonstances de l'écriture puis la représentation du Narcisse de Rousseau. Il faut bien se représenter que donc décembre 52, lorsque la pièce est représentée, Rousseau est depuis 2 ans un homme célèbre. Et pourquoi est-il un homme célèbre ? Parce qu'il a publié un texte complètement provocateur, en plus couronné par l'Académie de Dijon, son premier discours. Et dans ce premier discours, quelle est la thèse qu'il défendait ? C'est, on va simplifier ici à l'extrême, mais c'est qu'il y a une corrélation constamment observable entre l'investissement qu'une société met dans le développement des arts, des sciences et de la littérature et des lettres, d'une part, et la corruption des mœurs et de l'organisation politique de la société, de l'autre. Cette thèse, disons, est tout simplement le contre-pied provocateur de l'idée, je dirais, la plus commune à tout son temps. Or, voilà, c'est que le progrès technique, le progrès, les arts, le raffinement intellectuel. C'est l'investissement, je dirais, de la société et des individus dans ce progrès. Qui a pour conséquence une corruption. Qui a une corrélation. Qui a une corrélation. Parce que, suivant les moments, c'est cause, conséquence, etc. Il y a une corrélation constante avec la corruption des mœurs et celle de l'ordre politique. Alors, il développe pas ça et ça fait une polémique, bien entendu. Certains faisant, affectant de dire qu'il, ce qui est en partie le vrai, que c'est une posture, d'autres le prenant au sérieux et disant que bon, c'est un philistin, etc. Bon, et parce que là, il s'oppose à tout l'esprit des Lumières. Tout l'esprit, enfin, oui, alors dont il est. Alors en même temps, or, c'est l'autre assez, dans le même temps, le même homme, dans ses années 50-52, premièrement, participe à l'encyclopédie. Il est à des auteurs, tous les articles de musique, et deuxièmement, continue, se met même s'il a écrit avant, à publier, puis il écrit une nouvelle pièce, ballet représenté devant le roi, le devin de village, qui est même l'année 52, et là, on se met à se gausser, entre guillemets, de l'incohérence. Et donc, alors, c'est-à-dire, comment celui qui, d'un côté, dénonce les arts et les lettres, peut-il écrire des pièces de théâtre? Et de manière polie, ça c'est d'Alembert dans la préface, dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, parle de Rousseau en disant, mais il vient d'écrire ça, c'est un de nos auteurs qui dit que ce qu'on fait, et d'autres, bien sûr, sont beaucoup moins gentils que d'Alembert, et le sarcasme, c'est à ça qui le texte que vous avez lu, c'est à ça qu'il répond, qui vient de lui. Et c'est à ça qu'il répond. Alors, avec une réponse qui est relativement simple et qui reviendra constamment dans son œuvre, je maintiens ma thèse, mais une fois qu'un peuple, entre guillemets, est corrompu, une fois que les mœurs sont dégradées, etc., ce qui a contribué à le dégrader peut contribuer à atténuer. Donc, à atténuer, c'est donc les sciences, les arts et la littérature peuvent être bonnes aujourd'hui, parce qu'au point où nous en sommes, elles peuvent permettre... Alors, quand il est méchant, il dit d'envelopper, entre guillemets, avec du papier doré, la corruption. Quand il est, je dirais, plus ouvert, il dit ça sert d'antidote. Mmh. Ça sert d'antidote et empêche, entre guillemets, que les vices deviennent des crimes. Mais le rôle de l'art et des lettres et de la culture est une chose pour adoucir la corruption des mœurs qu'elles ont elles-mêmes perpétuées, d'accord. Mais pourquoi lui ? Pourquoi, dans cette préface, il faut, malgré ma répugnance, que je parle de moi ? Pourquoi ces textes commencent-ils par une préface où il est dit qu'il faut qu'il parle de lui ? Alors, fondamentalement, parce que ce qu'il veut... Là, on est, bien entendu, qu'il y a une dimension, je dirais, de revendiquer. Il revendique constamment. C'est très important. C'est-à-dire, pour lui, être auteur, même quand il le dénigre, c'est savoir assumer en nom propre ce que l'on dit. Et donc, et de ce point de vue-là, et d'assurer la cohérence de ces textes. Il serait intéressant de voir, à la fin de sa vie, c'est pas le dernier texte, mais un des derniers textes, c'est les dialogues Rousseau de Jean-Jacques, un texte à la fois passionnant, étrange. Complètement fou. Rousseau juge de Jean-Jacques. Voilà, il met en scène deux protagonistes qui sont en fait des doubles de lui-même qui s'adressent des critiques auxquelles il répond. Voilà. Et ben, ce texte, en fait, je dirais, qu'est-ce qu'il scrute, qu'est-ce qu'il interroge? La cohérence de l'œuvre et la cohérence entre la vie et l'œuvre. Et ce qu'il veut montrer, c'est que Louis, lui, a poussé cette exigence de cohérence jusqu'au bout. Et pour cela, au fond, il rate toutes ses œuvres doivent se rattacher à lui-même, parce que c'est au fond la validation, entre guillemets, du sérieux, entre guillemets, et de la cohérence de sa pensée. Alors on va explorer ensemble ces différents textes pour arriver notamment jusqu'à la distinction entre cet amour de soi si important pour lui et l'amour propre, qui au contraire, qu'il essaye d'exclure du registre du moi. Voici un texte, peut-être un des plus célèbres de Rousseau, l'Incipit des Confessions. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien eu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables. Qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. C'est Georges Claes qui lit la première page des Confessions. Et quelle page, hein, Bruno Bernardi, ce ton à la fois sublime, provocateur et qui marque. On se souvient de cette phrase, hein, « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. » Alors oui, c'est une page à la fois d'une densité superbe à tous égards et qui, bien entendu, peut être l'objet de multiples lectures. Donc, je ne chercherai pas du tout à essayer de découvrir tout, ce serait absurde et impossible ici, dans le temps qui nous est imparti. Je voudrais peut-être souligner un trait essentiel. C'est celui qui porte sur la singularité. Mm-hmm. Rousseau affirme sa singularité, à nul autre pareil, qui peut s'entendre et doit s'entendre comme la revendication d'une exceptionnalité qui est la sienne. Alors pour commencer, quel est le statut de cette exception ? Eh bien, c'est trop très important de le voir. Chez Rousseau, le statut de l'exception, quand il s'agit de lui-même ici, ou, la comparaison va surprendre, mais quand il s'agit d'une société politique dans le contrat social, quand il parle de Genève, ou quand il parle éventuellement de la Corse, qui peut devenir, à son époque peut-être, etc. L'exceptionnalité, c'est le statut, très précisément, de montrer que le diagnostic pessimiste qu'il fait sur l'évolution de l'humanité, etc., n'est pas absolu, n'est pas irréversible. Qu'il reste du possible. Et le possible, précisément, est dans de l'exception. Et dans cet ordre-là, oui, lui, il se revendique comme une exception, preuve de ce qui est possible. La deuxième, je crois, dimension qu'on peut retenir de cette page ici, peut-être pas toujours souligner, c'est le fait que Rousseau, en revendiquant cette exceptionnalité, revendique le fait que tout être, tout individu est exceptionnel. Alors on trouve cette idée-là, Scand par exemple, toutes les parties de l'Émile, où ce qu'il affirme, c'est précisément qu'un être humain, c'est une singularité, il a cette formule extraordinaire, chaque âme a sa forme propre qui lui convient. Et il n'y a pas un individu qui peut être identique à un autre, ou plus précisément, et c'est ça le fond de la question, les sociétés modernes ont, parmi les reproches fondamentaux qu'en fait Rousseau, au travers des préjugés, au travers de l'opinion, au travers de la constitution des groupes sociaux, des classes sociales, etc., produisent des individus uniformes, entravent ce développement de la singularité et de la personnalité. Et donc, il y a une revendication, je dirais, pour Rousseau, de la singularité comme le propre définissant le statut de la personne. Ce que vous dites, c'est lorsqu'il revendique sa propre singularité, ce moi, cette entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur, ce n'est pas tant qu'il se considère comme étant supérieur aux autres ou exceptionnel par rapport à tous les autres, c'est qu'il en appelle à ce que chacun en fasse de même, à ce que chacun reconnaisse sa singularité. Il y a quelqu'un qui a très bien lu ce texte et qui le commente implicitement, c'est Sartre dans Les Mots, quand il parle de lui-même en disant un homme comme un autre, comme tous les autres. Et je crois qu'il n'y a pas trop de doute sur la question, sur le fait qu'il y a à ce moment-là c'est une rémanence. En fait, il montre l'exemple. Voilà. Oui, mais alors dans ce cas, comment expliquer qu'à chaque fois qu'il parle de lui, il y a quand même une dimension morale. Dans la préface à Narcisse ou l'amant de lui-même, dont on a entendu un extrait avant, dans cette première page des confessions qu'on vient d'entendre, le terme de moi est toujours associé à celui de vérité, de franchise et de justice. C'est-à-dire que c'est quand même dans ce « moi » que doivent être trouvées ces trois choses auxquelles Rousseau tient tant. C'est pas dénué de morale, cette entreprise, c'est ça que je veux dire. À ce niveau-là, est-ce que le terme moral convient, peut-être plus une éthique, c'est une éthique de l'authenticité. De l'authenticité, d'accord. Alors, il y a deux formules qui reviennent constamment chez Rousseau, c'est « être soi » et « être à soi ». Et précisément, et au fond, ça comme exigence première. Alors quelle différence ? C'est une distinction très très importante parce que être soi, c'est l'idée précisément. Je disais que chaque âme a la forme singulière qui lui convient, de reconnaître cette forme-là. Et l'une des choses que revendique Rousseau, et c'est très frappant, il le revendique comme quelque chose qu'il a eu la chance d'avoir. C'est d'avoir la possibilité de se trouver lui-même, de se reconnaître lui-même et de, comme il le dira dans la dernière des rêveries du promeneur solitaire, il a eu la chance de décider, de prendre une décision sur ce qu'il était. Donc être soi, c'est, et précisément la plupart des hommes, à son avis, sont empêchés d'être eux-mêmes. Et ils sont empêchés d'être eux-mêmes, pour l'essentiel, l'obéissance aux préjugés et au conformisme au pluriel auquel ils sont soumis. Quant à être à soi, alors précisément, c'est lié, ça suppose, et ça c'est ne pas être entraîné dans une logique d'événement, une logique d'appartenance, une logique de soumission, etc., qui fait que on est mis hors de soi-même. Et là, alors à ce moment-là, c'est une dimension qui est importante, c'est pourquoi la place du recueillement chez lui et l'ambivalence de Rousseau dans son rapport à la solitude, c'est que pour être à soi, il faut savoir, il faut pouvoir se recueillir, se retrouver soi-même. Pourquoi le statut de la solitude chez Rousseau a une telle ambivalence, une telle richesse aussi. C'est un des penseurs qui a le plus réfléchi aux différentes modalités de la solitude. C'est ça. Alors, se retrouver seul pour pouvoir être à soi, mais sans miroir. Et ce point est très important puisqu'on parle de Narcisse aujourd'hui et que vous l'avez bien dit dans la pièce Narcisse ou l'amant de lui-même, c'est pas un miroir qu'il s'agit, mais d'un tableau. Oui. Et Plus tard, Jean Starobinski va montrer que même dans le reste de l'œuvre de Rousseau, il y a très peu de miroirs. Il écrit ceci dans Jean-Jacques Rousseau, reflet, réflexion, projection. Où sont les miroirs autour de Jean-Jacques? Il s'en rencontre assez peu dans son œuvre et cela étonne de la part d'un homme qu'on imagine si volontiers dans l'attitude de Narcisse. L'image optique qui figure dans le premier préambule des Confessions n'est pas le miroir, mais la chambre obscure. Il faudra donc se demander ce que peut être un narcissisme sans miroir ou ennemi des miroirs. Et là, Starobinski pointe exactement, oui, la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Quelle différence peut-être entre l'obsession, le souci du moi et le narcissisme? Parce que c'est pas son reflet que Rousseau contemple, c'est lui-même. Et c'est une grande différence. Tout à fait. Alors, je crois que la vraie réponse de ce point de vue-là, c'est... Alors, on penserait à ce que une notion qu'utilise Proust dans son Sainte-Beuve à propos de l'idée de machine optique. Rousseau précisément, et on a vu que dès le Narcisse, il déplace il modifie le dispositif en passant du reflet le miroir, donc dos au miroir, au portrait. Dans son rapport à lui-même, pourtant, je disais, il a écrit au moins 3 œuvres qui s'assument, entre guillemets, on les qualifie très souvent, et je prends le terme très malheureux, d'autobiographiques. Mm-hmm. Parce que c'est mal assigner ce qui les unit et ne pas voir ce qui les différencie. Mais les Confessions. Les Confessions, c'est un dispositif, alors c'est intéressant, il restaure la formule de la confession publique. Puisque c'est une confession, c'est des confessions qui sont faites à haute voix, je dirais comme dans les églises primitives, ou d'ailleurs, peut-être la comparaison, elle choquera peut-être certains qui me viendraient, c'est celle des réunions d'alcooliques anonymes. C'est ce que fait Rousseau dans les confessions. Donc, qui à haute voix, certaines cérémonies de l'évangélisme. Qui à haute voix annonce ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, ses méfaits, ses hauts faits, etc. Ça, il y a cette première dimension. Donc, c'est un dispositif de parole, c'est intéressant, parce que c'est un dispositif vocal dans lequel, je dirais, il peut se dire en s'adressant, mais parce que c'est anonyme, en s'adressant, je dirais, par un effet écho, on reviendra à lui-même. On a déjà évoqué le deuxième grand texte, c'est les dialogues, dans lesquels un autre dispositif vient prendre la place, celui du dédoublement. Mais un Rousseau, autre juge de Jean-Jacques. Rousseau et le français, celui qui appelle français. Et donc, qui vont, très, très bon, beau travail, fait récemment par Jean-François Perrin sur ce texte. Et donc, dans ces pages, des dialogues, il y a une façon, s'interpeller soi-même. Alors, et on passe à la parole. C'est pas un hasard. Rousseau, le musicien, c'est la voix qui devient ici centrale. Et puis, la troisième, c'est les rêveries du promeneur solitaire, où c'est encore une voix, mais c'est un murmure. On a l'impression, comme quelqu'un qui s'enregistrerait lui-même, pour pouvoir se repasser. Il y a comme un écho assourdi, d'un soliloque. Voilà, c'est ça, les rêveries du promeneur solitaire. Et donc, chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? Et, bien sûr, voix. Mais c'est une voix écrite. Oui. Et l'écriture objective, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec cela en face de soi, qui est la page, les manuscrits de Rousseau, c'est une chose absolument extraordinaire à travailler, la page imprimée, bien sûr, à laquelle on aboutit. Mais est-ce que le fait que ce soit l'écriture et pas l'image qui prédomine chez Rousseau atténue le narcissisme? Non. C'est vrai que le mythe de Narcisse, c'est être amoureux de son image. Voilà. Et non pas parler de soi. Alors, ça ne l'atténue pas. Ça l'élabore. Il n'y a pas de discours. Ça le transforme. Ça le transforme tout simplement en art et en pensée. C'est l'élaboration qui fait. C'est cette élaboration-là, qui est l'élaboration, je dirais, de la forme, l'élaboration du travail de l'écriture, et donc de la pensée, puisque c'est indissociable, qui font précisément... Alors, est-ce que y a-t-il besoin de dire ce n'est plus du narcissisme? Je crois que c'est un faux problème. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait du narcissisme? Alors, et ça, le propre, ce qui est intéressant, c'est que dans la structure même du narcissisme, évidemment, il y a l'idée, malgré tout, d'une stérilité, à tous les points de vue d'ailleurs, du narcissisme. Qui conduit à la mort, et puis à l'épuisement. Je veux dire, le narcisse, on l'imagine, je dirais, devenant anorexique, il ne peut plus se passer de regarder son visage, il reste là, il va mourir sur pied. Mais l'élaboration narcissique, l'élaboration secondaire, qui est celle de l'œuvre d'art, de l'œuvre littéraire, je veux dire, que ce soit Rembrandt ou Rousseau, reprends ma comparaison, elle produit quelque chose qui est, à ce moment-là, vient un dépassement du narcissisme. Alors, pour l'anecdote, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais pour le détail, pour reprendre ce que disait Stahl Robinski sur l'absence des miroirs chez Rousseau, il y en a un, notamment, dans les Confessions, c'est le moment où il veut étreindre Madame Basile et qu'il voit son propre reflet dans un miroir. Et là, dit-il, la glace m'a trahi, dit-il, je ne sais quel effet ce transport fit sur elle, mais elle ne me regarde à point, ne me parle à point. Et là, lui-même tressaillit, et en fait, le regard lui renvoie l'image de sa propre honte. C'est-à-dire que le miroir a une fonction morale, et pas picturale. Alors ça, oui. Alors à ce moment-là, qui plus est, dans le cas précis, morale et inhibitrice aussi. Parce que ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est la, semble-t-il, l'effet inverse que dans beaucoup de pratiques, on attend du miroir. Tout à fait. Alors comment est-ce que Rousseau, avant qu'on en vienne aux Rêveries, qui sont quand même un texte magnifique, oui, on en entendra un extrait qui semble boucler la boucle du narcissisme, si tant est qu'on décide de garder ce terme au sujet de Rousseau, comment ce philosophe et cet écrivain, qui fait grand cas du moi, qui montre que ce moi est toujours un autre, comme pour donner l'exemple à tout un chacun, de s'extraire de la masse et de l'uniformité, peut-il être par ailleurs le penseur de la volonté générale dans le contrat social, c'est-à-dire celui qui pense qu'il y a une manière d'être fidèle à soi en se dépossédant de soi, c'est-à-dire d'être fidèle à soi tout en reconnaissant que la collectivité, politiquement, est tout aussi importante que le moi, Bruno Bernardi. Oui, alors il faut aller beaucoup plus loin que ça, d'abord, dans la reconnaissance de la difficulté, du problème, comme on voudra. On a souvent parlé du ou des problèmes, Jean-Jacques Rousseau. À mes yeux, c'est peut-être la formulation la plus centrale du problème Rousseau. Il faut aller plus loin, en quel sens? Parce que Rousseau dit lui-même, certains passages, au début de l'Émile, ou dans le contrat social lui-même, qu'il faut... le législateur, le politique, dénature hein, l'homme. Si je reprends les termes de... excusez-moi, je vais essayer de vous donner les termes précis. Enfin, peu importe. Du contrat social? Non. C'est du début de l'Émile. Ah oui. On va les paraphraser, c'est ça pas d'importance. Dans lequel Rousseau dit que l'homme, l'être de la nature, est un être entier fractionnaire, plein et entier, et l'être de la société est un être relatif. Et que pour rentrer dans une société politique, le législateur, par exemple, doit rendre l'individu entièrement relatif donc aux autres. La contradiction est quand même, semble violente. Alors, je crois, si on veut essayer de la comprendre, me semble-t-il, et c'est décisif, il faut simplement se demander, je veux dire, quelle est la racine de la pensée de Rousseau. Et la racine de cette pensée, c'est fondamentalement un diagnostic porté sur ce qu'il appelle les sociétés modernes, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer dans la mutation de la société sous ses yeux, et qui, à ses yeux, à nous dire, penser s'il avait tort ou non, préfigure les sociétés d'avenir, c'est-à-dire les nôtres. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe un double phénomène, dit-il, vraiment. C'est d'une part la destruction du commun. La destruction du commun, c'est-à-dire par l'intérêt particulier, au sens où d'intérêt d'argent, intérêt d'avoir plus exactement, qui fait que chacun se préoccupe de satisfaire ses propres désirs en les concevant comme opposés à ceux des autres. Ça entraîne comme conséquence qu'il n'y a plus de société politique possible. Mais ça semble fidèle à ce que disait Rousseau. Oui, il n'y a plus de Rousseau. Il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus de solidarité possible si on dans nos sociétés. Deuxièmement, dit-il, et simultanément, quelle est à la place de cette véritable lien social, il y a une fausse socialité qui se développe, qui est celle précisément de l'opinion et des préjugés. L'opinion et des préjugés qui formatent, on disait tout à l'heure, les individus, les rend communs. Fait que certains passages de l'Émile disent qu'ils sont des Français, des Anglais, des bourgeois, c'est-à-dire rien. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont ni eux-mêmes, ni à eux-mêmes. Bon. Si on fait ce double constat, à ce moment-là, on peut se rendre compte que tout l'effort de Rousseau tend à explorer la possibilité, je dis bien la possibilité, d'échapper à cette ligne, abyssale, dans laquelle on est en train de détruire simultanément l'individu et la société. Et alors, cette exploration du possible, il y a une université italienne qui vient de publier un très beau commentaire du contrat social, avec un titre que je trouve très très bien choisi. Elle parle de la société possible, à propos du contrat social. Et voulant mettre en exergue par là le fait que, au fond, ce que Rousseau veut montrer dans le contrat social, c'est à quelles conditions il serait, et ces conditions sont très difficiles, il serait possible qu'une société politique légitime puisse exister, c'est-à-dire dans laquelle on puisse être citoyen. Oui, parce que ce que dit le contrat social, avec le concept de volonté générale, semble contredire ce que dit Rousseau par ailleurs, et tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission, cette importance du retour à soi. Finalement, c'est comme si le soi était secondaire. Justement, au profit de la volonté générale. Justement, parce que justement, il veut montrer que cette possibilité. Or, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans l'Émile, par exemple ? Enfin, pas par exemple, dans l'Émile. C'est la même chose. Ce qu'il veut montrer, c'est que, malgré tout, il est un homme possible. On peut former, il est possible de former un homme, comme il dit qu'il ne soit pas, l'homme de la nature n'existe plus, ne peut plus exister, mais qu'il ne soit pas précisément soumis à ses préjugés, à ce formatage social, qu'il soit une personnalité et une singularité, un être qui soit à lui-même. Mais qu'il soit aussi citoyen. Précisément, qui peut l'être. Alors, il pourrait l'être. Émile, il est dit, il ne peut pas l'être. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pour être citoyen, il faut deux choses. Il faut soi-même être en disposition de pouvoir l'être, ce qui est le cas d'Émile. Mais il faut aussi que la société le permette, c'est-à-dire qu'on ait une patrie. Ça, l'Émile débouche sur le constat. Non, c'est pas possible. Donc, au fond, ce que Rousseau essaie de faire, c'est de penser les possibilités d'échapper par effraction, par exception, que ce soit pour la société ou pour les individus, à cette machine à détruire le commun et le singulier, simultanément, que sont les sociétés modernes. Et ça, vous citez L'Émile pour le dire. L'Émile, qui est donc un ouvrage dans lequel Rousseau imagine un enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte et propose une manière de l'éduquer qui serait le plus fidèle comme possible. Il dit, tel qu'il soit, un sauvage, dit-il, propre à vivre dans les villes. Voilà. C'est-à-dire qu'il soit capable qu'il soit pas comme les autres, mais qu'il soit capable de vivre avec eux. Mais donc, et vous ne citez pas le contrat social, comme si c'était finalement deux approches très différentes de la réflexion politique. C'est deux approches différentes, mais qui sont parallèles. C'est-à-dire que le contrat social développe ce qui serait la condition de possibilité pour une société d'échapper à cette fatalité, entre guillemets, tandis que l'Émile cherche, dans les conditions réelles qui sont celles d'aujourd'hui, comment un individu pourrait échapper précisément à la destruction de la personnalité. Enfin, réel, il y a un statut utopique aussi quand même à l'Émile. Idéal. Idéal. Alors, c'est la dernière. Et là, du coup, oui, les confessions, on le disait tout à l'heure, mais cette exceptionnalité-là, comme je dis que la Corse ou la Suisse peuvent avoir, etc., cette exceptionnalité-là, elle peut exister pour « regardez-moi ». Eh bien justement, regardons-le, puisqu'on a traversé l'œuvre de Rousseau d'ouvrage en ouvrage, il est temps d'arriver aux rêveries du promeneur solitaire, qui est sans doute un des plus beaux de Rousseau. Oui. C'est l'un de vos préférés, j'ai l'impression. Du point de vue, si on parle en termes de préférence, c'est-à-dire de ce avec quoi... c'est un texte magnifique, voilà. On disait que Rousseau est à la fois un écrivain et un philosophe. Je crois que c'est le texte dans lequel la ligne de crête est atteinte simultanément dans les deux registres. Voilà. Et il est dit dès la préface, puisqu'on insiste sur l'importance des préfaces chez Rousseau. Lecteur, je pense volontiers à moi-même et je parle comme je pense. Dispensez-vous donc de lire cette préface si vous n'aimez pas qu'on parle de soi. Ils prétendent que c'est par vanité qu'on parle de soi. Eh bien, si ce sentiment est en moi, pourquoi le cacherais-je ? Est-ce par vanité qu'on montre sa vanité ? Peut-être trouverais-je grâce devant des gens modestes, mais c'est la vanité des lecteurs qui va subtilisant sur la mienne. Voici un extrait de la 10e promenade des rêveries du promeneur solitaire, lu par Ophélia Kolb. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien ! Quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble ! Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis. Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne, « J'ai passé 70 ans sur la terre et j'en ai vécu 7. Sans ce court mais précieux espace, je serais resté peut-être incertain sur moi. Car tout le reste de ma vie, faible et sans résistance, j'ai été tellement agité, ballotté, tiraillé par les passions d'autrui, que presque passif dans une vie aussi orageuse, j'aurais peine à démêler ce qu'il y a du mien dans ma propre conduite, tant la dure nécessité n'a cessé de s'apesantir sur moi. Mais durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire. Je fus ce que je voulais être. Et par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme, encore simple et neuve, la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. Le goût de la solitude et de la contemplation naquit dans mon cœur avec les sentiments expansifs et tendres faits pour être son aliment. Le tumulte et le bruit les resserrent et les étouffent. Le calme et la paix les raniment et les exaltent. J'ai besoin de me recueillir pour aimer. J'ai besoin de me recueillir pour aimer. C'est ce qu'on fait tous les matins sur les chemins de la philosophie. Aujourd'hui avec vous, Bruno Bernardi. Alors, si on voit que pour Rousseau, s'aimer, l'amour pour soi est nécessaire pour aimer autrui, dans ce texte, on a l'impression que être aimé par Madame de Varens aide quand même à s'aider soi-même. Bien sûr. Alors, ce texte est un texte. Il y en a d'autres, un parallèle chez Rousseau, mais celui-ci, sans doute le plus émouvant et le plus achevé. Sur l'importance de la rencontre. C'est-à-dire de ce qui... Alors, une réflexion très élaborée sur ce sujet-là, du rapport entre la contingence et la nécessité. La contingence est, en fait, la nature. Ce que Rousseau considère comme sa dette essentielle envers Madame de Varens, c'est qu'en en fait, elle lui a permis de se trouver lui-même. C'est-à-dire, elle lui a créé les conditions dans lesquelles, comme il dit, je suis donné à mon âme la forme qui lui convenait. C'est-à-dire, quand même une expression extraordinaire, parce que quand on y réfléchit, c'est une décision et une opération, un travail. Donner à son âme une forme, c'est pas rien. Bon. Mais en même temps, cette forme, c'était celle qui lui convenait. C'est-à-dire qu'il aurait pu en avoir d'autres, il aurait pu donner notre forme, des circonstances qui ne lui convenaient pas, et il aurait été au sens strict, difforme, toute son existence. Et c'est le destin, à ses yeux, de la plupart des hommes. Et donc, cette possibilité de décider de lui-même, de se trouver lui-même, de se reconnaître lui-même, de fait, c'est à une rencontre, et pas n'importe laquelle. Celle de cette femme, Madame de Varens, dont il dit, c'est une formule quand même très forte, nous naissons deux fois, dit-il dans les mille, une fois pour l'espèce et une fois pour le sexe. La première naissance est dit, et les deux, nous devons à une femme. La première, c'est notre mère, qui nous fait vivre, naître pour l'espèce, et la seconde, c'est celle qui nous initie à la sexualité et qui nous fait naître à nous-mêmes comme singularité. Donc cette deuxième naissance, c'est très exactement ce qu'il doit à Madame de Varens, et c'est vraiment conscient. Et cette deuxième naissance, effectivement, c'est celle qui... Parce que, je dirais, ça n'est précisément, d'accord, ça n'est précisément pour lui que si on se trouve soi-même, c'est-à-dire aussi si on se choisit soi-même, parce que les deux sont indissociables, comme il vient de voir, que l'on peut s'aimer. Et c'est, or, c'est la condition de l'amour. C'est-à-dire que, et de fait, à ce moment-là, comme vous le disiez à l'instant, l'amour que l'on reçoit est la condition de l'amour que l'on éprouve pour soi-même, avant de pouvoir... Et que l'on peut donner à autrui. Et que l'on peut donner à autrui. Et ça, c'est pour Rousseau, c'est très curieux, parce que c'est une position fondamentale théologique. Par exemple, la bonté, Dieu est bon parce que Dieu s'aime. Il est, comme il est dans la plénitude, et il est dans la plénitude de lui-même, il n'y a de bonté qu'expansive. Et donc, et l'amour lui-même, disons, est, de ce point de vue-là, est expansif. S'aimer soi-même, ce sera donc ce qu'on retiendra de cette émission. On se quitte en chanson, Bruno Bernardi. Merci. Signorina, signorina, v'ingannate, troppo, come mai con voi volate? Io che Dio vi dico no, è un sogno questo, sì, è un sogno questo, sì. On a commencé tout seul et on finit en duo Pergolèse et la Serva Padrona, un duo d'amour. Un grand merci à vous Bruno Bernardi. Merci. D'être venu nous parler de Rousseau aujourd'hui. Je renvoie aux différentes éditions des textes de Rousseau que vous proposez. Vous animez un groupe des Amis de Rousseau, n'est-ce non, pas Non, un groupe de Rousseau, c'est un groupe recherche voilà. Qui a publié plusieurs ouvrages. C'est un énorme travail sur les textes voilà, de Rousseau. Voilà, depuis de longues années. Bon, on mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Il est 10h53 sur France Culture, il est temps comme tous les jours de retrouver le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, La folie avant la psychiatrie, paru aux éditions Odile Jacob, qui rassemble des écrits d'une dizaine d'experts sous la direction de Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine. Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine sont respectivement neuropsychiatres et psychiatres. Ils sont surtout tous deux des auteurs à succès, leurs ouvrages ayant largement contribué à donner accès au grand public au mystère de cette science de l'âme, dont l'invention est en réalité assez récente, puisque le terme de psychiatrie a été introduit pour la première fois seulement au début du XIXe siècle. L'ambition de l'ouvrage est là. Comment a-t-on pensé la folie pendant des siècles avant que n'émerge la psychiatrie comme discipline? La première difficulté, soulignée dès l'introduction, c'est que le mot « folie » ne désigne pas un véritable objet qui serait le même, quelle que soit l'époque ou la culture. Par exemple, dans les années 40, les guerres et les conditions de travail étaient tellement violentes qu'on valorisait la violence des hommes. On admirait les hommes violents, on les décorait quand ils faisaient la guerre ou qu'ils descendaient au fond des mines pour travailler 15 heures par jour. Aujourd'hui, le contexte a radicalement changé. Quand un homme est violent, on appelle le SAMU ou la police et on considère souvent la violence comme une forme de maladie mentale. En réalité, désigner quelqu'un comme étant sous l'emprise de la folie, c'est désigner son étrangeté, son inadaptabilité, son statut hors norme. Le soigner, c'est le remettre sur le droit chemin. Le calmer quand il est anormalement agité, lui prescrire des médicaments lorsqu'il voit ou il entend des choses que nous ne voyons pas ou n'entendons pas. Au paléolithique, les solutions étaient bien différentes. Celui qui se mettait à convulser ou délirer était jugé possédé. Et on s'emparait alors d'un silex pour trépaner son crâne et permettre à l'esprit envahisseur de s'échapper. À l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs, on pensait plutôt que tous les maux physiques et psychologiques venaient de l'ingurgitation d'une substance ou d'un être vivant maléfique. Il fallait donc à tout prix l'expulser via des potions rituelles qui entraînaient vomissements et diarrhées. Ainsi, les époques se suivent et ne se ressemblent pas. Quand on a inventé les horloges et les automates, les souffrances psychiques ont été assimilés à des défauts de rouages cérébraux. Quand la chimie a connu sa grande expansion scientifique, on a attribué la folie à un mauvais fonctionnement des fluides. Quand l'électricité a été découverte, on a jugé que les hallucinations provenaient de courts-circuits dans certaines zones cérébrales. Tout au long de notre civilisation, les interprétations de la folie et les remèdes à lui apporter n'ont cessé de varier. L'objet de la psychiatrie est donc infiniment hétérogène. C'est ce que l'ouvrage sous la direction de Cyrulnik et Lemoine montre avec brio. L'histoire de la folie avant la psychiatrie, c'est l'histoire de toutes les manières folles que l'on a trouvées à travers les âges pour soigner la folie. Dans le premier chapitre, intitulé « La psychiatrie est-elle une branche folle de la médecine ?», Boris Cyrulnik raconte que la volonté d'expliquer la folie par la médecine remonte à Hippocrate. Cependant, les remèdes apportés n'ont pas toujours été des plus convaincants. Cataplasme à la moutarde, bain chaud, douche froide, choc physique ou encore sel d'ammoniac. Tout était bon à prendre pour calmer la substance cérébrale. C'est à Daniel Jacquard ensuite que revient de raconter la condition du fou au Moyen-Âge. Contrairement à une idée largement admise, l'époque médiévale admettait assez bien, à côté des explications magiques de possession par des démons, des explications beaucoup plus rationnelles ou plutôt raisonnables et proposait parfois des solutions autres que l'exorcisme. Jacques Hochmann, lui, raconte l'invention de cette pseudo-science qu'est la phrénologie, théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. Dans un autre chapitre tout à fait passionnant, Patrick Clairvoy retrace l'histoire de la stérilisation des malades mentaux, appuyée sur des travaux scientifiques qui n'ont été contredits que trop tardivement dans l'histoire. Puis c'est à Gérard Ostermann de se pencher sur l'étrange et terrible destin des anorexiques, en montrant que la maladie n'a rien d'un mal contemporain et qu'elle a pu atteindre, sous forme d'ascèse, des mystiques à l'époque médiévale. Comprendre l'anorexie ne revient donc pas seulement à accuser l'époque, mais contraint de puiser dans des constantes anthropologiques profondes. S'en suivent d'autres chapitres, tout aussi intéressants, sous la plume de Patrick Lemoine, Pierre Lemarquis, Pierre Lamotte, Jean Furtos et Stéphane Mouchabac, qui traitent de la théorie des humeurs, de Mesmer, du mythe du criminel né, de l'internement des dissidents anti-soviétiques dans des hôpitaux psychiatriques, du cas des suicides des paysans dans l'état du Kerala, en Inde, dans les années 2000, ou encore de la place accordée à l'intelligence artificielle dans le diagnostic psychiatrique. On ressort complètement déboussolé de ce livre foisonnant d'histoires à peine croyables. L'histoire de la folie avant la psychiatrie, paru chez Odile Jacob, parle en réalité plus des défaillances culturelles que des souffrances psychiques. L'immense mérite de l'ouvrage est qu'il permet de s'interroger non seulement sur le passé, mais aussi sur l'avenir de la psychiatrie. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Sharon Nouri qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Marie Simon, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation cette semaine, c'est Philippe Baudouin et Milena Hellig. À la prise de son aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontani. À la lecture des textes, Ophélia Kolb. On se retrouve demain pour la suite de cette série autour de Narcisse. Demain, nous plongerons dans la psychanalyse de Narcisse en compagnie de Clotilde Le Guil, qui est aussi philosophe. On se demandera si le jeu, où est le jeu, où es-tu? Bref, du pervers narcissique, ou plutôt du stade du miroir au pervers narcissique, à moins que ce ne soit l'inverse. C'est le programme de l'émission de demain. D'ici là, pour écouter celle-ci sur Rousseau, bien c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter cette émission, mais ainsi que toutes les précédentes, hein, en ligne, très facilement. Vous pouvez aussi les télécharger, les podcaster, pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h précise. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.